Charles Barbara, l'homme qui nourrit des papillons. Lu par Charlotte pour audiocité.net sous licence creativecommons.org. Je reçus cette note. Vers le milieu de la rue des Gravilliers, en face d'un fondeur en cuivre et dans la maison d'un marchand de pinceaux, on voit à la porte une petite montre en forme de cadre où sont fixés quelques papillons. Elle est étiquetée du nom de Pichonnier et à la suite, fabricant de coupes juliennes, invite les amateurs à monter chez lui au deuxième, au fond de la cour, pour voir plus de 3000 papillons vivants qu'il nourrit depuis quelques années. En vue de plaire à la personne qui se flattait sans doute d'aiguillonner vivement ma curiosité, j'allais à cette adresse. Mais la rue des Gravilliers n'est pleine que de fondeurs en cuivre et de marchands de pinceaux. L'indication qu'on me donnait était donc imparfaite. J'allais de montre en montre, de fondeur en fondeur, et je ne trouvais trace de papillon ni de pichonnier. Quelques jours plus tard, l'auteur de la note m'affirma verbalement avoir vu le cadre précité et monté au deuxième, chez ledit pichonnier, et avoir vu de ses yeux évoluer des centaines de beaux papillons dans des cages en gaz. Un homme qui élevait des papillons était au moins chose nouvelle. Des connaissances bien profondes en histoire naturelle ne sont pas nécessaires pour savoir que cet insecte aime l'air, la chaleur, le soleil et les fleurs. Il ne fait qu'apparaître et disparaître. On n'en voit point, que nous sachions, en hiver. Même en été, qu'un rideau de nuages intercepte le soleil et il se cache. Et il vivrait dans une chambre de la rue humide des Gravilliers, à l'ombre d'une cage, à l'égal d'un lino ou d'un chardonneret. Se pouvait-il d'ailleurs que la passion des animaux vivants descendît chez l'homme jusqu'aux insectes les plus frêles? Dans cette préoccupation, je rencontrai, en visitant les parterres du jardin des plantes, un homme qui frappa mon attention. C'était un grand vieillard vêtu d'une longue redingote bleue. Son chapeau en soie, roux de vieillesse, était moucheté de papillons qui y étaient fixés à l'aide d'épingles noires. Les petites bêtes étaient à l'agonie. Serrant comme un livre sous son bras une boîte oblongue, garnie sur une face d'une grille en fil de fer très ténue, il cheminait le long des plates-bandes sans remarquer les curieux. Je le voyais de temps à autre plonger le pouce et l'index dans le calice d'une fleur et en retirer un objet qui l'emprisonnait dans la boîte, par une petite porte qui y était pratiquée. Il fut bientôt évident pour moi que, dans cette boîte, grouillait une multitude d'insectes vivants auquel mon homme faisait la chasse. Je le suivis quelque temps, ému de l'idée d'avoir Pichonnier sous les yeux. J'allais l'accoster. Les papillons qui battaient des ailes à son chapeau me donnèrent des doutes. Un inconnu, qui m'observait observant, acheva de me faire comprendre que je me trompais. « C'est un entomologiste, me dit-il, qui collectionne des insectes pour les vendre. » Ce mécompte, je ne sais comment, loin d'éteindre mon désir de voir Pichonnier, l'accrut au contraire. Je fouillai d'un bout à l'autre la rue des Gravilliers. Mes recherches cette fois réussirent. Pichonnier avait changé de domicile. À son ancienne demeure, le concierge me remit cette tête de facture. Admis à l'exposition de 1849, récompense obtenue, mention honorable, rue Vieille du Temple. Pichonnier, inventeur et fabricant breveté, S.G. Dugé. Suivait l'énumération de divers instruments pour tailler les légumes, couper le verre, le graver, le percer, vider les pommes et presser les concombres. À la suite de quoi était mentionné un nouveau procédé pour embaumer les oiseaux et les poissons. Au sujet des papillons néanmoins, il gardait le silence, ce qui me donna à penser que, peut-être, il avait abandonné ce passe-temps après des essais infructueux. Cependant, je ne balançais pas à l'aller voir. La pratique d'industrie qui avait entre elles si peu de rapport devait, à mon sens, occasionner dans un cerveau une singulière confusion. Je m'attendais à trouver une figure au moins bizarre. Sous certains rapports, Pichonnier surpassa mon attente. Il devait grossir dans ma mémoire la liste de ces hommes qui, d'un extérieur plus qu'ordinaire, quelquefois rebutant, sont pourtant comme des réservoirs de curiosité et fortifier cette opinion, en moi déjà vieille, qu'il n'existe peut-être pas d'homme qui n'ait son côté intéressant. Au rez-de-chaussée se voyaient des spécimens d'outils dans une petite montre avec une tête de facture collée sur la vitrine. J'y cherchais vainement quelque chose de semblable à un papillon. Au nom de Pichonnier, Une femme m'invita à monter au deuxième. La porte était entr'ouverte. Mes regards tombèrent tout de suite sur un homme de taille moyenne, de 35 à 40 ans, qui n'avait dans la physionomie rien de notable, sinon une habitude souffrante et un œil inquiet. Il était seul, dans l'angle d'une petite chambre donnant sur une cour étroite, et prenait un maigre repas sur le coin d'une table. Je fus aussitôt en proie à une grande tristesse. Encore que je ne fisse attention qu'à lui en pénétrant dans cette pièce silencieuse et morne, mon œil était tiraillé en tous sens par une collection d'objets étranges étalés sur un établi, sur des rayons, le long des murs et au plafond. Un ami de province, lui dis-je, qui s'occupe d'histoire naturelle, a appris que vous éleviez des papillons. Il m'a chargé de vous demander si vous consentiriez à lui donner quelques renseignements sur ce sujet. J'eus peur qu'il éclatât de rire ou de colère, mais il se leva et, sans marquer de surprise, « Certainement, me dit-il d'un ton doux et mélancolique. » Ce fut tout le préambule. Il m'indiqua une cage assez grande, accrochée près de la fenêtre. La gaze y était substituée au fil d'arcale des cages ordinaires. Elle était partagée en 4 compartiments à peu près égaux. Dans l'un des compartiments supérieurs, de nombreuses chrysalides étaient suspendues à la gaze par un fil. Dans un autre, à côté, le long des parois de la cage et sur des fleurs d'aréséda et d'autres plantes, j'aperçus une 20aine de papillons vivants. « Vous voyez là, me dit Pichonnier, des pans de jour, des belles dames, le manteau royal, papillon du plantain. Il y a longtemps que je les ai, ils passeront l'hiver. » Je croyais rêver. À voir ces petites bêtes voleter, aspirer le suc des plantes, vous les eussiez cru dans un jardin sous les rayons du soleil. À l'approche de Pichonnier, elles battirent à l'envi des ailes, dont elles me laissèrent admirer les fraîches et vives couleurs. « Dans le bas, continua Pichonnier, ce sont des tortues. Il y en a 3 espèces, des grandes, des petites et des moyennes. Chaque espèce a ses couleurs. Remarquez comme elles se nourrissent avec un peu de paille. Il y en a 50aine. Elles sont écloses il y a aujourd'hui 8 jours. Je les garderai vivantes tant que je voudrai. » « C'est surprenant, fis-je. » « Ici, ajouta Pichonnier, en me montrant une case où étaient pêle-mêle des feuilles de mûrier, de tilleul, de chêne, etc., ce sont ce que j'appelle des gouttes de sang, parce qu'elles ont des taches de sang sur les ailes, des nankins qu'on trouve sur le chêne, des mûriers ou 2 yeux. Vous voyez qu'en effet, ils ont un œil sur chaque aile. On prétend qu'ils voient avec ses yeux, mais moi, je ne le crois pas. Je ne laissais pas que d'exagérer un peu mon extase. » « Puisque vous êtes amateur, me dit Pichonnier, je puis vous montrer bien d'autres choses. » Il m'entraîna dans un cabinet voisin, où un rayon de soleil entrait obliquement et me mit en présence d'une cage divisée en 2. D'un côté, d'innombrables chenilles rongeaient des salades et en faisaient de la dentelle. « Je les ai comptées, me dit Pichonnier, il y en a 400. Ce sont des chenilles de pan de jour, mais regardez à côté. » Il me désignait l'autre compartiment, où se promenaient et folâtraient toutes sortes de papillons. « Voici l'azur, poursuivit-il, et le vert de gris. Vous trouverez ce dernier abondi en ce moment même. Tenez là, apercevez-vous l'aurore? Il vient en mai, vers le 12, il disparaît. Ce jaune-là, c'est le citron, cet autre, l'écaille. Puis le tigré, puis le sylvain, puis le grand et le petit nacré. On n'a pas vu le petit depuis 3 ans. » Et le lithographe, regardez ses ailes blanches avec des lignes noires. Certains de ces noms, entre autres celui du lithographe, me semblaient tant soit peu aventurés. « C'est bien possible, me répondit-il, je ne comprends rien à leur nom baroque. Je les baptise selon mon idée, ce qui n'empêche pas que je ne connaisse mieux que bien des personnes leurs habitudes, leur nourriture et les endroits où on les rencontre. Il n'y a peut-être que moi qui sache où se trouve la chenille du Vulcain. » Je me ferai fort, d'ici un mois, de fournir à un amateur 2000 papillons magnifiques. À votre place, lui dis-je, j'essayerai. Il hocha douloureusement la tête. Il en serait de cela comme des autres choses, me dit-il. On ne veut pas que je gagne ma vie. Qui on ? Lui demandai-je. Est-ce que je sais ? Il retourna dans la première pièce et me montra un taille-racine d'un système très ingénieux. C'est de mon invention, me dit-il. Il n'y a que moi qui puisse faire ça. C'est d'une seule pièce. On ne peut pas se couper les doigts. Eh bien, ils prétendent que ça ne vaut rien parce que ça n'est pas béni. Ils voudraient me forcer d'aller à confesse. Je ne refuse pas d'y aller, moi, mais qu'ils me laissent me marier. J'irai, je ferai comme tout le monde. Ils béniront tout à la fois ma femme, moi et mon ouvrage. En même temps que je regardais Pichoni avec stupeur, une cigale se mit à chanter, ce qui donna le change au bonhomme. « Ah oui, dit-il, ce sont des cigales !» Et il me mena à la première cage, où je découvris, dans une des cases de dessous, 5 ou 6 belles cigales qui, à la vue de Pichonnier, grimpèrent le long de la gaze comme si elles le connaissaient. « Il leur faudrait du soleil à ces petites bêtes, » reprit Pichonnier, « elles chanteraient bien autrement. »« J'ai aussi des grillons. » Sur un amas de petites cages superposées, il en prit une de 2 pouces carrés à peu près. Au travers d'un léger treillis en fer qui laissait pénétrer le jour, j'aperçus en effet un grillon en train de ronger de l'échaudé et de la salade. Il marqua sa joie de voir son maître en chantant à son tour. Un moment, dans cette pièce, on entendit un concert de grillons et de cigales, à se croire au milieu des champs, le soir d'une chaude journée. Pichonnier jouissait de mon étonnement. Quelques étincelles luirent dans ses yeux. « J'en nourris de toutes les nations, » continua-t-il en me faisant remarquer, au bord de sa fenêtre, un bocal où une toute petite grenouille se tenait hors de l'eau, sur les degrés d'une échelle. Elle était adorable. Blanche sous le ventre comme du lait, elle avait le dos vert, mais de ce vert pâle et tendre, si doux à l'œil des premières pousses. « C'est une vraie rainette, » dit Pichonnier. « Elle me connaît, elle vient quand je l'appelle. Petite !» La rainette fit un plongeon dans l'eau. « Il va pleuvoir, » dit Pichonnier avec conviction, sans consulter le ciel. « La rainette est le plus sûr baromètre qui existe. » Je regardais le ciel, il était tout bleu. Je me mordis la lèvre pour ne pas rire de la prédiction. L'heure n'était pas loin qui m'en ferait souvenir. « Tenez, tenez !» fit tout à coup Pichonnier avec une émotion extrême. Son œil était fixé en ce moment sur la case des chrysalides. « Voici un vulcain qui vient d'éclore. » « Est-il beau ? À cause de vous, je ne le tuerai pas. » Il le prit délicatement du bout des doigts et le glissa dans le compartiment où il y avait des fleurs. Le papillon nouveau-né s'accrocha à la gaze et ouvrit ses ailes pour la première fois. Bien qu'elles fussent encore comme humides et chiffonnées, c'était vraiment quelque chose d'admirable à voir. Impossible d'imaginer rien d'aussi éclatant que les bandes rouge-feu qui en traversaient le noir velouté. Je ne pouvais pas en détacher mes yeux. Pendant ce temps, Pichonnier disait « C'est curieux, je voyais l'autre jour, dans le bois de Vincennes, un naturaliste qui courait après un pan du jour. Il se donnait un mal. Et pourquoi ? Pour avoir un pauvre papillon tout abîmé. Moi, je ne pouvais m'empêcher de rire intérieurement. » En songeant que j'avais dans ma chambre des centaines de ces papillons plus beaux qu'il n'y en a jamais eu dans aucun cabinet d'histoire naturelle. Je suivis la direction que m'indiquait sa main et je m'avisai qu'il y avait au mur 2 grands cadres remplis de papillons, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits, au nombre desquels il me fit remarquer le demi-lune, l'argenté ou grand abat d'Espagne, le meunier, petit papillon qui semble sortir de la farine, le porte-queue ou flambé, le paon de nuit, la plus grande de nos phalènes, le sphinx du tilleul, l'oiseau papillon, la feuille morte, le papillon cornu ou du diable, etc. etc. Les mailles intactes de leurs ailes avaient une vivacité de coloris et une fraîcheur qui donnaient à penser que tous ces papillons étaient éclos d'hier. Les uns meurent après la ponte, ajouta Pichonnier, les autres, je puis les garder vivants, mais je ne les garde pas parce qu'ils se casseraient les ailes. Beaucoup d'autres détails me furent donnés par ce brave homme, dont les connaissances spéciales eurent fait honneur à un entomologiste de profession. Mais, dis-je, vous devriez faire des démarches. Il existe, même pour les papillons, des collectionneurs passionnés. Oui, me dit-il mélancoliquement, j'aurais voulu leur en offrir une belle collection à ces messieurs, mais je n'ose pas y aller. D'ailleurs, mes ennemis ne l'auraient pas souffert. Ils ont juré ma perte. De nouveau, je le considérais avec stupéfaction. « On me laisse dans la misère, » continua-t-il. « On veut que je meure de faim. Tous mes parents sont riches, moi, je suis seule. J'avais pris avec moi un enfant pour tourner ma roue, puisque j'ai une jambe presque paralysée. Eh bien, ils ont tant fait qu'il ne revient plus. Si seulement ils ne m'empêchaient pas de me marier. Est-ce que vous ne l'avez jamais été ? Lui demandai-je. Ils y sont toujours opposés, répliqua-t-il. Dernièrement encore, c'était une affaire convenue. Je reçois une lettre qui m'appelle dans mon pays pour cela. Je cours au chemin de fer, j'arrive. C'était pour assister au mariage de ma femme avec un autre. Hélas, fit-il avec une mélancolie croissante, il est bien inutile de lutter. Il ne faut pas, lui dis-je, vous abandonner à ce découragement. C'est que vous ne savez pas tout ce qu'on m'a fait souffrir, s'écria-t-il. Tel que vous me voyez, je compte 32 inventions utiles. Les voici inscrites sur ce registre. Il me montra un registre. J'ai plusieurs brevets. Tenez, voyez, ce taille-rondelle, ce coupe-corps à plusieurs tranchants, ces roulettes à pâtes, ce presse-citron. Tout cela est fait dans la perfection. J'ai encore dans ce tiroir 5 modèles. Que je briserai un de ces 4 matins. J'avoue que la main-d'œuvre de ces instruments, fort ingénieusement conçus, me sembla remarquable. « Voici un couteau, » reprit Pichonnier en tirant un couteau de sa poche, « qui coupe le verre comme un diamant. » Il tailla effectivement plusieurs fragments de verre avec la pointe de ce couteau. Son index me fit ensuite tourner la tête vers une grande vitre sur laquelle étaient gravés des bonshommes fantastiques et des arbres plus fantastiques encore. Dans l'interstice des tailles, on avait introduit diverses couleurs. « C'est moi qui ai gravé cela, » me dit-il. J'ai encore imaginé ces grands papillons plus beaux que nature qui sont à côté. En voici un qui me coûte 5 francs. Il m'était enfin permis de me reconnaître au milieu des myriades d'objets disparates qui encombraient cette pièce. Sur une table, parmi les ustensiles inventés par Pichonnier, je distinguais un singe, un perroquet, un geai, un poussin à 3 pattes, un écureuil, un caneton, tous animaux si bien empaillés qu'on les eût crus encore en vie. « J'ai trouvé un procédé pour embaumer les oiseaux, » me dit Pichonnier, sans les détériorer aucunement. « Avez-vous vu rien de plus affreux que les animaux empaillés par les naturalistes ? Avec la peau des oiseaux qu'ils vident, ils font des animaux qui ne ressemblent à aucun animal connu. Moi, je n'y touche pas, je ne les vide pas, je les sèche avec la viande. Mes oiseaux gardent leur forme, ils restent morts comme s'ils étaient vivants. « Est-ce que votre procédé résiste au temps ? » demandai-je. « Tenez, » dit Pichonnier en appelant mes yeux sur un petit meuble, « voici un martinet séché par mon procédé depuis 10 ans. Je l'ai pourtant laissé à l'air, on le dirait empaillé d'aujourd'hui. » Il ne disait rien que de vrai. Des poissons, suspendus au plafond, frappèrent alors ma vue. « Il en est de même pour les poissons, » continua Pichonnier. « On les coupe d'un bout à l'autre sous le ventre pour les vider, on couscela ensuite. C'est affreux, il ne reste plus d'écailles. » Ils ont une collection de poissons pour dire « nous en avons une ». De fait, leurs poissons ne sont pas des poissons, ce sont des monstres qu'on n'a jamais vus. Voyez les miens, on dirait qu'ils sortent de l'eau. Point d'incision ni de couture. J'ai imaginé un outil pour les vider par les ouïes sans toucher aux écailles. En un tour de main, c'est fait. De nombreux spécimens à écailles et à nageoires témoignaient effectivement par leur éclat de son extrême habileté. En somme, ma mémoire ne suffirait pas à contenir tous les objets qu'il ne se lassait pas de livrer à ma curiosité. Toutefois, je me rappelle qu'il ouvrit une armoire sur une tablette de laquelle était rangée une collection de sonnettes fabriquées à l'aide du calice de verre à pâte, et qu'il me dit avoir trouvé le moyen de rendre le coco souple autant que de la corne et d'en faire des manches de couteau. « Mais à quoi bon ? » ajouta-t-il toujours plus sombre. Les inventeurs, de leur vivant, on les persécute. On dit que ce sont des fous et des ivrognes. On ne leur rend justice qu'après leur mort. J'essayai de le distraire de ses pensées funèbres. « Monsieur, » dit-il, « je devrais être à mon aise. On ne le veut pas. Quand je vais dans un magasin pour vendre mes instruments, on me rit au nez. D'autres ne veulent pas seulement les voir et me jettent à la porte parce qu'ils ne sont pas bénis. J'ai été 20 ans dans la garde nationale. Une fois, j'ai sauvé le poste. Sous Louis-Philippe, j'étais portée pour avoir la croix. C'est un autre qui l'a eu à ma place. Jusque dans ma maison, il n'est sorte de mauvais tour qu'on ne me joue. Un voisin est entré chez moi dernièrement. Il était ivre. « Voulez-vous vous vendre ? » dit-il. « Je ne trouverai personne qui voulût m'acheter, lui répondis-je. » Il se mit alors à tourner et à retourner les outils qui sont sur ma table, à tout déranger, à tout critiquer. Il me disait que mes presses concombres étaient faits dans le système des casse-noisettes. « Je vous demande un peu s'il est permis de venir chez les gens pour les molester ainsi. »« Allez-vous-en, lui dis-je, et venez au moins quand vous serez à jeun. Je ne fais pas d'affaires avec les ivrognes. » Je trouve quelquefois mon enseigne au milieu de l'escalier. La blanchisseuse me garde mon linge. « Ah, monsieur, je suis trahi de toutes les nations !» Les médecins vous diront que, sur 20 malades qui viennent les consulter, il y en a au moins la moitié d'imaginaires. Ils ne nient pas non plus que ces derniers souffrent autant et plus parfois que les autres. De fait, les misères de ce pauvre inventeur, réelles ou chimériques, avaient quelque chose de navrant. « En province, c'est la même chose, » continua-t-il. « Je rencontre des ennemis partout. À Bayonne, on m'a confisqué plus de 300 francs de marchandises en prétendant que je devais 18 francs. Je n'ai jamais pu les ravoir. » Il était au moins probable que, dans les mécomptes ordinaires de la vie, ce brave homme voyait les rouages d'une conspiration universelle contre sa personne. « Les rêves ne trompent pas d'ailleurs, » dit-il encore. « J'en ai noté plus de 20 sur mon registre. » Tous ont le même sens. Une fois, c'était un grand pré au milieu de terres labourées qui s'étendaient à perte de vue. Tout à coup, voilà que du pré surgissent des chats de toutes les nations, des blancs, des noirs, des verts, des rouges, les uns avec de petites oreilles et une longue queue, d'autres avec de longues oreilles et des queues courtes. Ils sortaient par milliers de dessous la terre. Ils grouillaient comme des fourmis, une fourmilière effondrée. À la fin, il y en avait tant et tant que le pré ne pouvait plus les contenir. Alors ils ont envahi les terres labourées. C'est assez clair. Je ne comprends pas, lui dis-je. Comment ? Fit-il. Les chats, c'est trahison. Le grand pré, c'est Paris. Les terres labourées, ce sont les provinces. Mes ennemis ne peuvent plus tenir dans Paris tant il y en a. Ils se répandent dans les provinces. Bien involontairement, le rêve de Pharaon, interprété par Joseph, me revint en mémoire. « Je sais bien qu'il faut que je succombe, » ajouta Pichonnier. « Ils finiront par m'assassiner. »« Oh, » fis-je avec compassion, « j'ai confiance en Dieu. D'ailleurs, à vous parler franchement, mieux vaudrait être mort que de vivre ainsi. Et si je n'avais pas ces petites bêtes ?» Il promenait ses yeux et sa main autour de sa chambre. En ce moment, comme pour lui répondre et le consoler, les cigales et les grillons de nouveau se mirent à chanter. Cela est positif, se mirent à chanter. Un sentiment de profonde tristesse m'oppressait. L'heure de me retirer était venue. Ma visite avait un peu distrait ce pauvre homme. Il m'engagea à revenir, sous le prétexte de voir le Vulcain à l'éclosion duquel j'avais assisté. Je le lui promis et le quittai. À peine fus-je dehors, que la pluie tomba par torrents. Comment ne pas me rappeler la prédiction de la rainette ? Pour n'y avoir point cru, je fus trempé jusqu'aux os.